Chapitre 195. Le mérite des prières facultatives, ratiba, liées aux prières obligatoires et leur nombre. 1097. Habiba, radiyallahu anha, la mère des croyants et fille d'Abu Sofyan, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire: nul musulman n'accomplit chaque jour 12 unités de prières, raka'at, facultatives, en dehors des prières obligatoires, sans qu'Allah ne lui construise une demeure au paradis, ou sans qu'une demeure ne lui soit construite au paradis. Muslim. 1098. Ibn Omar, radiyallahu anhuma, relate: j'avais l'habitude d'accomplir, tout comme le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, 2 unités de prière avant le dhuhr et 2 autres après. 2 unités après la prière du vendredi, 2 après la prière du maghrib et 2 également après la prière du isha. Al-Bukhari et Muslim. 1099. Selon Abdullah ibn Muraffal, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: entre le premier appel à la prière, adhan, et le second, iqama, il y a une prière, le répétant à 3 reprises avant d'ajouter: pour celui qui le veut. Al-Bukhari et Muslim. 1099.